Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ce sont 1000 ans d'histoire qui défilent sous nos yeux. En 476, le Germain Odoacre dépose le dernier empereur d'Occident et notre Moyen-Âge commence. Mais que se passe-t-il au même moment en Orient? Au 7e siècle, pas très loin de Paris, Saint-Éloi fait remarquer au bon roi Dagobert qu'il a mis sa culotte à l'envers. Mais que se passe-t-il au même moment en Arabie? Et en 800, à Rome, Charlemagne est sacré empereur. Il caresse sa barbe fleurie, ce qui est un exploit pour lui qui était glabre. Mais que se passe-t-il au même moment en Égypte? Tiens, en voilà un qui veut savoir ce qui se passe en Orient. En 1095, à Clermont, le pape Urbain II prêche la croisade. Pas avec de douces intentions. Et en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique, alors qu'en Andalousie, disparaît le royaume musulman de Grenade. C'est la fin de notre Moyen-Âge. Mais que se passe-t-il en Arabie? 1000 ans d'histoire pour un Moyen-Âge foisonnant. Mais le Moyen-Âge de l'histoire, parfois convoqué de nos jours dans les actualités avec des arrière-pensées politiques, qui est-il réellement? Allez, allons voir ce qui se passe dans l'Empire islamique. Cette semaine, le cours de l'histoire s'intéresse toujours au Moyen-Âge superstar avec aujourd'hui l'Empire islamique, un monde réellement fantasmé et en partie oublié mais qui est redécouvert actuellement grâce à des recherches récentes et qui nous présente un Moyen-Âge de l'islam loin des clichés de l'obscurantisme avec pour nous en parler aujourd'hui Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Ouest, Nanterre-la-Défense. Vous êtes auteur de l'Empire islamique, 7e, 11e siècle. C'est chez Belin. Et Éric Vallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de l'Arabie, de l'océan Indien, au Moyen-Âge, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez édité l'année dernière, vous avez publié La Fabrique de l'océan Indien, carte d'Orient et d'Occident, édition de la Sorbonne 2017. Et par téléphone, nous avons Abbès Zouache. Vous êtes historien fondateur du Collège de Méditerranée, chargé de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Vous avez co-dirigé la guerre dans le Proche-Orient médiéval, 10e, 15e siècle, un état de la question, lieu commun et nouvelles approches. Et le titre nous éveille tout de suite la curiosité parce que c'est vraiment ça dont il va être question aujourd'hui, tous ces lieux communs et ces nouvelles approches. Et en fin d'émission, nous aurons Anaïs Quien qui viendra nous rejoindre, Anaïs, avec son journal de l'histoire. Anaïs Quien qui assume la programmation également de cette émission. Mais pour le moment, arrêtons-nous et admirons un horizon infini de chaînes montagneuses, celle de l'Arabie heureuse. Cet horizon infini de chaînes montagneuses, enserrant entre leurs formes déchiquetées un étrange labyrinthe de gorges profondes, ce pays que les atlas d'autrefois désignaient sous le nom légendaire d'Arabie heureuse, est depuis un an le théâtre d'une guerre cruelle, opposant une armée moderne aux derniers survivants du Moyen-Âge. En fait, peu d'informations nous parviennent sur ce conflit qui se déroule au Yémen, dans cette pointe sud-ouest de la péninsule arabique bordée par la mer Rouge. Et pourtant, il revêt tous les aspects d'une véritable guerre d'Espagne de l'arabisme, où deux régimes, deux systèmes politiques et sociaux, en fait deux mondes et deux époques, s'affrontent sans pitié sur un front imprécis et mouvant. Nous étions en 1963 pour l'émission 7 jours du monde au Yémen, donc, avec cette phrase qui fait réfléchir les derniers survivants du Moyen-Âge quand il est question de cette région du monde, le Yémen. Alors, Gabriel Martinez-Gros, mais c'est étonnant quand même, cette découverte absolue dans les années 60 d'un journaliste qui trouve les derniers survivants du Moyen-Âge. C'est une idée qui a longtemps perduré et que l'on retrouve encore aujourd'hui, qui associe l'islam au Moyen-Âge. Ils ne sont pas sortie du Moyen-Âge. Vous avez quel regard sur cette question ? C'est tout à fait vrai. Il y a d'ailleurs de très beaux souvenirs de Kessel, sur le Yémen. Mais il faut dire que probablement les gens de Beyrouth, de Damas ou du Caire partageaient sur le Yémen l'opinion du journaliste. C'est-à-dire que, comme il arrive souvent, le spectateur occidental ne fait que reproduire le discours du monde dans lequel il s'insère. Bien entendu, cela dit, c'est vrai que l'idée d'une histoire qui a été construite au 19e et au 20e siècle par l'Occident, c'est que l'Occident est le présent du monde, et son avenir d'ailleurs, et que les autres civilisations, pour brillantes qu'elles aient été, pour influentes qu'elles aient été dans les progrès de l'humanité, appartiennent au passé. Et donc, l'islam appartient au Moyen-Âge, comme, j'allais dire, la Chine appartient pratiquement à l'Antiquité, ou presque. Hein. Voilà. Nous nous intéressons aujourd'hui au Moyen-Âge de l'islam, mais il faut sans doute définir ce que c'est. Qu'est-ce que le Moyen-Âge de l'islam, Éric Vallet? Si on vous demandait ça comme ça, de but en blanc, et je pense que la question est compliquée, qu'est-ce que le Moyen-Âge de l'islam? Alors, il y a effectivement un certain nombre de réponses qu'on peut proposer. Il n'y a pas une réponse, mais plusieurs. D'abord, il y a ce Moyen-Âge qu'on vient d'évoquer à l'instant, qui est en quelque sorte notre Moyen-Âge, c'est-à-dire celui qui va isoler cette période qui précède la modernité. Et donc, si le Yémen est encore considéré comme le Moyen-Âge en 1963, c'est qu'il n'est pas encore entré dans ce présent de l'histoire qui est la modernité. Le Moyen-Âge de l'islam, tel que le définissent les historiens spécialistes, est différent. Hein, il renvoie à une période, à un découpage de l'histoire, alors qui est un découpage conventionnel, là aussi emprunté à l'histoire de l'Occident. Il commence donc avec l'apparition de l'islam au 7e siècle et il s'achève avec, non pas 1492, mais avec 1517, c'est-à-dire la constitution d'un empire méditerranéen de l'islam qui est l'Empire ottoman. Alors c'est bien, déjà nous avons une marge chronologique parce que il y a quelque chose qu'il faut rappeler qui paraît une évidence, mais si on reprend le début, il n'y a pas de Moyen-Âge de l'islam avant l'islam. C'est une évidence, donc il faut remonter à l'égir. À l'égir, 622 l'égir, 632 la mort du prophète, et les années 640, les conquêtes, hein, les grandes conquêtes, c'est-à-dire les conquêtes de ce noyau central de ce qui va devenir l'islam classique, l'islam méditerranéen, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, l'Iran, dans une certaine mesure le Maghreb ensuite, hein, et l'Espagne à la fin du septième, et au début du huitième siècle, voilà. Donc là, on est sur le début, mais vous avez dit, Éric Vallet, pour une fin en 1517, ouais. C'est vrai que nous, notre Moyen-Âge, nous l'arrêtons en 1492, ou alors éventuellement 1453, quand Constantinople est prise par les Turcs. Non, là, 1517, pour vous, c'est une date qui pourrait être acceptable. Là, on sait que le découpage chronologique est très, très discutable, mais ça donne des repères. Donc, on est, on va dire, sur une période à peu près similaire. On est sur, quand même, un temps très long. Oui, on est sur un temps très long, même si il faut quand même reconnaître que c'est un point qui est extrêmement discuté. Alors, assez peu en France, parce que en France, on a, c'est vrai, ce découpage canonique qui organise toutes nos études d'histoire, notamment à l'université, au collège, au lycée, et qui est extrêmement prégnant. Mais on peut constater que, par exemple, dans le monde anglophone, cette notion d'islam du Moyen-Âge est extrêmement contestée, et que aujourd'hui, on va plutôt isoler une période qui s'étendrait jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire situer ces empires de l'époque moderne, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, l'Empire ottoman, l'Empire des Perses safavides, l'Empire des Moghols, dans une certaine continuité avec la période qui précède. Et simplement, c'est vrai que cette frontière, qui est aussi une frontière dans les sources qu'on utilise, parce que ce qui caractérise les historiens de l'islam du Moyen-Âge, c'est qu'ils travaillent sur une langue dominante, qui est l'arabe, avec aussi, bien sûr, des sources dans d'autres langues, le persan, le syriaque. Mais voilà, ils ont quand même cette formation centrale qui est cette connaissance de la langue arabe, alors qu'à partir de 1517, eh bien, une grande partie des sources sont désormais en turc. Ce qui change beaucoup. D'ailleurs, sur cette question de définition de cet objet d'étude, Gabriel Martinez-Gros, vous avez écrit donc un ouvrage « L'Empire islamique, 7e, 11e siècle ». Pourquoi « Empire islamique » ? Pourquoi pas « Monde musulman » ? On entend les deux. C'est désormais l'usage assez bien établi chez les historiens de notre Moyen-Âge musulman islamique de réserver l'adjectif musulman à ce qui touche à la religion et de choisir islamique, l'adjectif islamique, pour tout ce qui touche à la civilisation et donc aux données politiques dont je me suis essentiellement préoccupé dans ce livre. Hein. C'est un livre essentiellement sur l'histoire politique de l'islam. L'histoire politique de l'islam avec toujours cette expression qui revient, cet âge d'or, on est sur quelle période? Cette période magnifique, en fait, d'échange. Gabriel Martinez-Gros. Oui, alors l'âge d'or supposé, enfin il a été constitué comme âge d'or ensuite, bien entendu, comme tous les âges d'or, c'est l'époque abbasside, c'est-à-dire en gros entre 750 et 1050, c'est le cœur du livre que je viens d'écrire, effectivement, sur l'Empire islamique. Et bon, c'est vrai qu'à partir du XIe siècle, même si la grande limite est sans doute, comme vient de le dire Éric Vallée, 1517, c'est-à-dire la constitution de l'Empire ottoman sur l'ensemble du monde musulman méditerranéen, le XIe siècle représente une coupure importante. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, le XIe siècle comme coupure, et surtout sur cette période que l'on imagine foisonnante, il y a des clichés qui nous tiennent à la peau, des clichés qui sont très forts, notamment le cliché guerrier, le cliché de la guerre. Ça, dans tout le travail qui est fait pour relire le Moyen-Âge de l'islam, il y a la volonté de réduire ce cliché qui fait mal. Éric Vallée. Oui, alors c'est vrai que il y a la question de la place de la violence politique, la place de la guerre, dans cet islam du Moyen Âge, qui est une question centrale, parce que pendant longtemps on a identifié ce système de pouvoir comme un système totalement arbitraire, autoritaire. Donc c'est l'image du despotisme oriental qui a été forgé à partir du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, on relit les choses d'une manière peut-être différente, avec plusieurs lectures possibles, mais avec toujours cette idée qu'il n'y a pas eu une seule formule politique pendant tout le Moyen-Âge de l'islam. Il n'y a pas qu'une seule formule politique, et surtout, il y a malgré tout des contacts, des échanges, et dès lors, il y a compréhension ou incompréhension. Vous ne vous prosternez pas devant votre prophète ? Mahomet est un homme. On ne s'incline que devant Dieu. Où sont les miracles de Mahomet, Jafar? Si c'est bien un prophète, il doit pouvoir embraser le ciel de toutes sortes de miracles. C'est juste en vérité. Dieu a donné à ses prophètes le signe des miracles pour que nous les reconnaissions. Le miracle de Mahomet, c'est le Coran sacré. Un livre, un simple livre écrit par un illettré et attribué à Dieu. Je crois que l'empereur en a assez entendu. Je songeais à la Pentecôte, quand Dieu a envoyé des langues de feu flamboyées au-dessus des apôtres, afin qu'ils puissent parler toutes les langues du monde qu'ils ignoraient auparavant. Mais ce genre de miracle ne se produit plus à notre époque. Merci, c'est suffisant. Vous avez été pitoyable. Un extrait du film Le Message de Mustapha Akkad, réalisé en 1976, quand des réfugiés musulmans croisent le Négus, le roi chrétien d'Abyssinie. La place de la religion est essentielle dans cette étude d'un islam, d'un Moyen-Âge de l'islam. C'est vrai que quand on étudie toujours l'islam, on a parlé de la violence dans le cliché. Il y a aussi comme autre cliché l'omniprésence de la religion. C'est vrai qu'elle est essentielle, cette omniprésence de la religion. Elle est comprise par ceux qui regardent le monde de l'islam. On cherche à comprendre aujourd'hui comment il y a un renouveau, comment cet Moyen-Âge de l'islam ressort. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi un autre rapport à la religion, Gabriel Martinez-Gros. Comment on relie cette période-là? Alors c'est effectivement l'idée qui, étrangement, s'impose peut-être peu à peu de nos jours, alors qu'elle n'est pas évidente. En fait, si j'arrête justement pour ma part au XIe siècle, le Moyen-Âge, mon Moyen-Âge islamique, c'est précisément parce que au XIe siècle, la séparation du politique et du religieux est parfaitement et complètement accompli. Contrairement à ce qu'on dit assez souvent, y compris parmi les spécialistes, il n'y a pas de confusion dans l'islam, historiquement à partir du 9e ou du 10e siècle, il n'y a plus de confusion entre le religieux et le politique, pas plus qu'en Occident. Et c'est au 20e siècle que ce qu'on appelle la réforme, c'est-à-dire en fait tous les mouvements qui vont conduire à ce que nous savons aujourd'hui des mouvements islamistes, c'est au 20e siècle que cette réconciliation du religieux et du politique va se faire, c'est-à-dire que l'un des thèmes fondamentaux effectivement de l'islamisme contemporain, c'est que celui qui déclare qu'il y a une différence entre le politique et le religieux, qu'on doit séparer la religion de l'État, est un apostat, tout simplement. Hein. Mais c'est quelque chose de relativement récent, j'entends un siècle, ce qui n'est quand même pas mal déjà. C'est pas mal, mais c'est vrai qu'à l'échelle de ce que nous étudions, c'est tout petit, Éric Vallet, c'est vrai que l'on peut dire que le religieux et le politique sont mêlés dans l'islam des origines, s'en séparent, et ce n'est que très récemment donc, que ça se rejoint. Et d'apporter ça, ça donne une lecture complètement différente de l'islam sur une longue historicité. Oui, et cette idée, elle s'accompagne d'une autre idée très importante, parce que dans cette réflexion sur la relation entre le religieux et le pouvoir, on renvoie toujours à cette période initiale, qui est celle de la période de la prophétie de Mohammed. Et on a aujourd'hui différentes lectures de cette période qui sont proposées et qui accompagnent ces renouveaux de l'histoire. En particulier, et l'extrait que vous avez passé le montrait très bien, on insiste beaucoup sur les liens qui reliaient l'Arabie avec les régions qui l'environnaient. Alors, on a parlé ici de l'Éthiopie, hein, qui est de l'autre côté de la mer Rouge, mais il y a aussi des liens extrêmement forts avec la Syrie, avec la Mésopotamie, et qui montrent que d'emblée, ce qui se passe à la Mecque puis à Médine dans les années 620, c'est quelque chose qui n'est pas, disons, quelque chose de totalement sauvage ou barbare. C'est d'emblée un projet qui est conçu comme un projet ouvert au monde. Et la rapidité de la conquête, la rapidité de la mise en place de ce nouvel empire laisse penser que ce projet impérial, ce projet de réunion de différents peuples, de différentes religions sous l'égide de cette nouvelle religion de l'islam, que ce projet est un projet assez ancien et que ce qui est fondamental dans la naissance de l'islam, c'est l'empire, avant d'être finalement l'innovation religieuse à proprement parler. Et puis il y a... Je ne peux être que d'accord, évidemment, c'est le thème du livre. Voilà. Hein. C'est-à-dire que c'est l'empire qui donne naissance à ce que nous appelons aujourd'hui la religion et qui n'apparaît véritablement qu'à partir du 10e, 11e siècle sous son aspect tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un ensemble de rites, de cérémonies, de règles qui sont fondamentalement désarmées, hein, je veux dire qui ne relèvent plus de l'élan initial guerrier de l'islam du 7e, 8e siècle. Bien justement, nous allons quitter l'élan guerrier et le quitter de très très loin, parce que nous allons écouter un extrait. Alors c'est très intéressant parce que c'est un personnage qui est essentiel hein, dans cette période, parce qu'il représente une source magnifique, et en plus parce que c'est un homme intelligent, parce qu'il nous a livré une analyse très très fine de ce monde-là, c'est Ibn Khaldoun, véritable figure qui est, hein, dans votre livre, Gabriel Martinez-Gros, comme... presque un héros, parce qu'on le sent, c'est ça. Et c'est un extrait d'un livre, Prolégomènes. Les Prolégomènes, c'est la troisième partie qui nous est lue par Nathalie Canoui. Le peuple musulman, à l'époque où il fonda son empire et absorba les autres nations, alors que l'influence du prophète et du Coran eut fait disparaître les sciences des anciens, ce peuple était d'une ignorance et d'une simplicité de mœurs qui se manifestaient dans toutes ses inclinations et dans toutes les habitudes qui le distinguaient. Mais ensuite, la souveraineté, la puissance et les services forcés des peuples vaincus le façonnèrent aux usages de la civilisation sédentaire et adoucirent chez lui la rudesse des mœurs. Dès lors, l'enseignement des sciences religieuses qui s'était fait chez les musulmans gratuitement et par la voie de la transmission orale devint un métier, et le progrès de leurs connaissances amena la composition d'une foule d'ouvrages et de recueils. Mus par le désir de connaître les sciences, ils firent traduire en arabe les traités qui les renfermaient, et pour réunir ces renseignements nouveaux à leur propre science, ils les remanièrent dans les mêmes moules dont ils s'étaient servis pour façonner leur première spéculation. Ayant dépouillé ces traités de leurs vêtements étrangers afin de les habiller à l'arabe, ils firent tant de progrès dans leurs études qu'ils surpassèrent leurs modèles. Dès lors, les originaux de ces livres, de ces textes en langue étrangère, tombèrent dans l'oubli et n'obtinrent pas plus de considération qu'une ruine abandonnée, qu'un nuage de poussière chassé par le vent. Et toutes les sciences se trouvèrent exposées dans le langage des Arabes et consignées dans des recueils dont l'écriture était celle de ce peuple. Il fallait donc que les personnes engagées dans des études scientifiques connussent la signification des mots appartenant à leur langue, non seulement des mots articulés, mais des mots écrits, car elles devaient se passer des traités rédigés en d'autres langues, vu que ces volumes avaient péri, faute de soins. C'est un extrait de la troisième partie des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun qui a été lu ce matin en direct par Nathalie Kanoui. Merci beaucoup Nathalie. Il faut vous présenter ce personnage, Ibn Khaldoun, qui est un auteur donc arabe. On est au XIVe siècle, c'est ça Gabriel Martinez Gros, qui est-il ? Lui vient très tard, oui. Il est né à Tunis en 1332 de notre ère. Et il va mourir au Caire en 1406. C'est un homme d'une famille andalouse qui a été, dont la famille était établie en Andalousie depuis pratiquement la conquête de l'Andalousie, c'est-à-dire au 8e siècle. Sa famille s'était établie à Séville vers 740. Et ils ont été chassés par la reconquête chrétienne de l'Andalousie, ou la conquête chrétienne de l'Andalousie, peu importe, en 1248 en l'occurrence pour Séville. Et ils avaient quitté la ville quelques années auparavant. Ils se sont remis au service, puisque c'était une très grande famille, très vieille famille, ils se sont remis au service des princes du Maghreb, et Ibn Khaldoun écrit une histoire qui est effectivement est tout à fait exceptionnelle, par sa première partie surtout, c'était ce qu'on appelle la Muqaddima, c'est-à-dire l'introduction ou les prolégomènes, comme on le traduit parfois, c'est-à-dire que dans ces prolégomènes, il donne un certain nombre des principes dont l'histoire à ses yeux est une application. C'est-à-dire que l'histoire est une science déterminée par des modèles et non plus un simple récit des événements hein, pour Ibn Khaldoun d'ores et déjà. Et c'est un cas assez exceptionnel de ce point de vue, et même tout à fait exceptionnel dans l'histoire du Moyen-Âge. Et en outre, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis de nombreuses années, puisque je me suis intéressé à cet auteur depuis longtemps, je pense qu'on peut étendre sa vision du monde à d'autres régions et à d'autres civilisations, y compris peut-être dans une certaine mesure à la nôtre, surtout à notre avenir plutôt plus qu'à notre passé des deux derniers siècles qui ne lui répond pas. Il y a des phases de l'histoire où Ibn Khaldoun est tout à fait caduque, mais il y a des phases, des paysages de l'histoire où il était tout à fait à son aise, où la pensée d'Ibn Khaldoun est tout à fait à son aise. Et alors dans l'extrait que nous avons entendu à l'instant, il y a des choses qui sont très fortes pour comprendre ce Moyen-Âge de l'islam, et notamment ces échanges culturels majeurs entre le passé et le présent du Moyen-Âge, et puis entre les différentes civilisations. Mais c'est tout à fait ce que disait Eric, c'est-à-dire que, comme vous le voyez chez Ibn Khaldoun, c'est l'empire qui détermine la civilisation. Hein. C'est-à-dire que c'est l'empire qui fait traduire. Au départ, vous avez un peuple totalement illettré, mais ce peuple gagne l'empire, et dès lors qu'il a gagné l'empire, il fait converger vers sa langue. C'est même une des grandes interrogations que l'historien peut conserver sur cette époque. Il fait converger vers sa langue tous les patrimoines de l'humanité dont il a conquis les terres et dont il a en même temps conquis l'histoire, les progrès et les patrimoines. Il faut rappeler l'importance de ce Moyen-Âge de l'islam pour la transmission des savoirs de l'Antiquité notamment. Oui, alors c'est vrai qu'à ce projet impérial donc qui naît très tôt, ce projet va prendre une dimension culturelle. Et cette totalisation des savoirs qu'évoquait Gabriel Martinez Gros, cette volonté de rassembler tous les savoirs du monde, elle est notamment manifestée par un texte assez étonnant de la fin du Xe siècle, qui est un grand catalogue de tous les ouvrages connus par son auteur, qui était un libraire de Bagdad, qui s'appelle donc Ibn al-Nadim. Et dans ce catalogue, donc rangé avec toutes les catégories des savoirs, on trouve 10 000 titres. Une sorte de bibliothèque idéale, qui est en fait la première du genre dans l'histoire. Hein, ce type de document, on ne le trouvait pas auparavant. Et ça montre bien cette volonté et cette conviction que l'islam, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire l'islam est le sommet de la civilisation, celle qui vient faire se rencontrer toutes les autres cultures. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du XIe siècle, ce qui était au départ donc un projet impérial, devient à ce moment-là une sorte de matrice d'un phénomène beaucoup plus large, qui s'accompagne donc de la diffusion de la religion musulmane dans des régions tout à fait nouvelles, vers l'Asie, vers l'Afrique, ce qu'on peut appeler la mondialisation islamique. Hein, donc le monde musulman prend le relais de l'empire de l'islam. Oui, c'est vrai qu'Éric Vallet, vous avez travaillé également vers la fabrique de l'océan Indien, c'est le titre de votre ouvrage, et donc, on le rappelle, l'islam regarde loin vers l'Est. C'est intéressant ce que vous nous dites là, parce que longtemps, le Moyen-Âge de l'islam a été lu à travers les sources occidentales. Il y avait une vision biaisée, et vous nous dites qu'il y avait énormément de sources arabes à aller voir, eh bien, autant faire quelque chose. Bon, c'est ce que nous allons discuter dans quelques minutes, mais en attendant, c'est Jean-Louis Murat qui nous le chante, autant en faire quelque chose. Jean-Louis Murat, autant en faire quelque chose sur France Culture dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Nous continuons à discuter du Moyen-Âge de l'islam. Le Moyen-Âge de l'islam qui a longtemps été manipulé de manière assez étrange et qui de temps en temps ressurgit dans l'actualité pour faire un petit peu peur est aujourd'hui complètement revisité par les historiens et nous avons vu que, par exemple, le politique et le religieux ont longtemps été séparés dans ce monde de l'islam, dans cet empire islamique. Gabriel Martinez Gros, c'est le titre de votre ouvrage L'Empire islamique aux éditions Passé Composé. Vous avez étudié particulièrement le 7e, 11e siècle. Donc là, on a quand même un religieux qui est très proche du politique. Vous avez travaillé sur quelles sources? Parce qu'elles sont considérables, ces sources, bien au-delà des sources occidentales que souvent on a longtemps utilisées uniquement pour regarder cet autre monde. Non, à vrai dire, les sources ont été très largement exploitées déjà dès le 19e et 20e siècle. On ne peut pas négliger ou minimiser l'effort ce qu'on appelle aujourd'hui, quelquefois d'un ton un peu méprisant, l'orientalisme, mais qui a joué un rôle très considérable dans cette découverte des sources. C'est plutôt leur disposition et leur compréhension ou leur interprétation qui posait problème, en ce sens qu'il fallait prouver en quelque sorte que l'histoire appartenait au passé, ce que nous disions tout à fait au début de l'émission. En particulier, on a fait de la date de 1258 la destruction de Bagdad par les Mongols, en plus nous n'en étions pas responsables puisque c'était les Mongols, tant pis pour eux, de cette destruction de Bagdad, la fin de l'islam. Ce qui laissait la place libre à l'Occident. En gros, hein, l'histoire de l'Occident prend son envol, prend son essor quand l'histoire de l'islam sombre. Et elle sombre pour les historiens occidentaux du 19e siècle, qui ont en outre sous les yeux l'énorme catastrophe, à leurs yeux en tout cas, de l'Empire ottoman finissant et des massacres ou des exactions qu'il multiplie à l'égard des populations chrétiennes des Balkans en particulier qui se révoltent pour leur indépendance, pour ces historiens du 19e siècle, donc, l'islam est désormais, un aspect arriéré du monde, hein, et quelque chose comme un abcès qu'il faut crever, disons-le franchement, hein, chez Renan particulièrement, bien sûr, on connaît son opinion particulièrement radicale sur l'islam et sur l'existence le caractère presque malfaisant, hein, de l'islam. Et c'est vrai que cette image-là, parce qu'on est toujours à la recherche un peu des causes, des problèmes du jour. On parle toujours du présent et d'aujourd'hui. Nous sommes à la recherche d'une certaine, pour dire un mot qui est un peu galvaudé, mais islamophobie. Mm-hmm. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de nouveau. On va la retrouver au 19e siècle. Déjà, vous le disiez, Gabriel Martinez-Gros chez Renan. Mais dans cette étude de l'islam, le renouveau de la recherche permet une nouvelle approche de l'islam qui se caractérise de mille manières. Éric Vallet. Oui, alors je pense que c'est vraiment très important de revenir un tout petit peu sur la coupure du XIe siècle qu'on a évoquée très brièvement, parce que aussi bien pour la question des sources que des interprétations, c'est un moment de basculement essentiel. En gros, on peut distinguer la période qui est celle de l'Empire islamique, donc 7e, 11e siècle, qui est une période où nous avons conservé des sources qui sont quand même dans l'ensemble très lacunaires. Donc on a d'un côté le récit officiel, ou les récits officiels, conservés notamment dans des chroniques, dans des ouvrages qui souvent sont très liés au califat, à l'empire de l'islam, et dont on soupçonne souvent qu'ils présentent une vision très orientée, très favorable à cet empire-là. Et puis il y a à côté de cela toute la masse de ce qui reste, mais de manière très parcellaire, des monnaies, des inscriptions, des papyrus, et sur lesquels travaillent des spécialistes qui font un travail véritable de fourmi, souvent très très très difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas initiés, mais qui sont essentiels pour essayer, comme un puzzle, de reconstituer l'histoire de cet empire. Et puis après le XIe siècle, là, on change véritablement de régime documentaire. Il y a une explosion. Une explosion documentaire, alors, qui est due à une révolution qui s'est produite dans le monde de l'islam avant l'Occident, qui est la révolution du papier. Dès la fin du 8e siècle, dès le 9e siècle, le papier se répand et l'islam devient alors une civilisation du livre. Il y a des pages absolument magnifiques d'un très grand auteur de l'islam qui s'appelle Jahez, donc au 9e siècle, qui chante son amour du livre sans lequel une vie ne vaut rien. Si vous avez le livre, nous dit Jahez, rien ne peut vous arriver, c'est l'ami qui ne vous trahira jamais. Et donc, ce livre va accompagner l'expansion de l'islam à partir du XIe siècle, et on se trouve à ce moment-là avec une masse de documents encore conservés aujourd'hui, plus de 3 millions de manuscrits écrits après le XIe siècle. Également donc à côté de cette masse manuscrite qui est très largement non étudiée, eh bien il y a tout ce que nous livre l'archéologie. Donc voilà, c'est un champ de recherche sur lequel il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Éric Vallet, donc je comprends bien, il y a énormément de sources, mais l'historien qui veut porter un regard nouveau sur le Moyen-Âge de l'islam est aussi confronté à d'autres choses, c'est-à-dire à la mémoire populaire construite à travers mille réseaux, que ce soit le cinéma, que ce soit les séries, ou que ce soit tout simplement Alain Decaux raconte. Le 2 octobre 1187, le sultan Saladin, Saladin le Grand, Saladin l'Illustre, Saladin le Vénéré, entra dans Jérusalem. Au milieu d'une incroyable allégresse des musulmans. Et cependant que coulaient les larmes amère des chrétiens. 88 ans, oui, il y avait 88 ans que les chrétiens avaient pris Jérusalem. 88 ans que les chrétiens veillaient sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Mais 88 ans aussi que les musulmans pleuraient Jérusalem parce qu'à Jérusalem, un jour, leur prophète Mahomet s'était élevé vers le ciel pour rejoindre le paradis d'Allah. Alain Decaux raconte, ça reste quand même merveilleux, c'est le sultan Saladin, non mais quel talent. En 1980, le sultan Saladin, sultan guerrier, quelque chose de magnifique, presque une popée. Mais vous, Abbès Zouache, vous l'avez regardé de manière différente, notamment par des angles particuliers qui nous permettent de relire le Moyen-Âge de l'islam. Vous êtes historien, membre fondateur du Collège de Méditerranée, chargé de recherche au CNRS et directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales. À Koweït, êtes-vous à Koweït? Non, pour l'heure, je suis en France pour l'instant. C'est moins exotique, mais c'est très bien. Le centre, le CEFAS est basé à Koweït et à Sanaa au Yémen. Nous sommes délocalisés jusqu'à Koweït du fait des événements tragiques qui touchent le pays, comme vous le savez. Abbès Zouache, vous avez co-dirigé un ouvrage publié par l'Institut français d'archéologie orientale. Il s'intitule « Guerre et paix dans le Proche-Orient médiéval, 10e-15e siècle ». Vous parlez de Saladin, évidemment, mais vous avez une approche intéressante de la question de la guerre que vous reliez à la divination. Et c'est une nouvelle approche, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais je l'ai trouvé pertinent, c'est une nouvelle approche de ce Moyen-Âge de l'islam. Quand vous parlez de la divination, vous rappelez que Saladin avait autour de lui des astrologues, des gens qui s'occupaient de lui dire des choses un peu intéressantes. Qui étaient-ils, ces gens-là? Oui, alors l'ouvrage que j'ai dirigé avec Mathieu Echène et Stéphane Pradine avait pour objectif justement de revenir sur des présupposés et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques de l'histoire, d'appréhender la guerre non pas via l'histoire bataille traditionnelle, mais bien de s'intéresser à la façon dont on la vivait, dont on la percevait, si vous voulez, de la façon dont les hommes et les sociétés vivaient la guerre. Et cela impliquait d'essayer de comprendre la culture de ces guerriers, de ces hommes de guerre et de pouvoir dont il a été question tout à l'heure. J'ai entendu Éric Vallet en particulier parler du problème fondamental qui était celui du pouvoir, dont la façon dont ces hommes vivaient la guerre, s'intéresser à leur culture et les suivre pendant les combats, mais aussi avant et après. Et l'article que j'ai moi-même rédigé, effectivement, s'intéresse à la culture astrologique de ces hommes de guerre et donc de ces chefs de guerre, mais aussi, pour autant que les sources nous donnent accès à la culture des simples soldats, la façon dont ils appréhendaient la guerre, dont ils espéraient, dont ils étaient entourés concernant les hommes de pouvoir, donc Saladin, mais pas seulement d'astrologues, ou en tout cas, ils pouvaient prendre leurs conseils pour déclarer la guerre, en tout cas pour lancer les combats, pour réfléchir, pour s'attirer les bonnes grâces d'une certaine manière et pour prendre leurs décisions. Cela ne signifie pas que ces hommes étaient des guerriers. Ces astrologues ou ces hommes qui étaient des conseillers avaient un rôle d'une certaine manière assez périphérique, puisque les hommes, la guerre était vécue et avant tout menée par des professionnels de la guerre très férus dans l'art de la guerre et qui pouvaient s'appuyer sur des connaissances très importantes. Là aussi, je rebondis sur ce qui avait été dit tout à l'heure sur la masse documentaire qui est à la disposition des historiens à partir du 11e siècle. Et c'est vrai que concernant la guerre, nous avons accès à toute une littérature de guerre appelée littérature de Forosia, où il est question de stratégie, de tactique, de la façon dont on doit s'entraîner, mais aussi de la façon dont on doit gérer la paix et la guerre, etc. Abbès Zouache, dans votre étude, vous travaillez sur la divination, l'astrologie liée au monde de la guerre. Et c'est vrai que longtemps, une lecture a dit, mais regardez, cet obscurantisme, par exemple, c'était mal perçu. Vous apportez une approche différente, c'est-à-dire que vous prenez la question dans son ensemble en disant qu'il faut changer le regard pour comprendre des phénomènes du passé. La divination, ce n'est pas simplement la croyance que la magie allait faire gagner des batailles. Oui, tout à fait, tout à fait. La divination, c'est un instrument parmi d'autres qui, d'ailleurs, ces hommes de guerre et de pouvoir dont je parlais tout à l'heure ne sont pas des innovateurs. Ils s'appuient sur des traditions séculaires et bien avant eux, et d'ailleurs bien après eux aussi, cette divination. Je n'ose faire référence aux pratiques de nos hommes de pouvoir, certains de nos hommes, de nos présidents de la République, dont nous savons bien qu'ils pouvaient consulter parfois un certain nombre d'astrologues, ou en tout cas de tireurs de cartes, tireuses de cartes, si j'ose dire. Et si vous voulez, il y avait cette approche-là, c'était un instrument parmi d'autres qui ne concernait pas seulement ces hommes. L'ensemble des hommes dans la société pouvaient faire référence, s'y appuyer. Mais ce que j'ai pu découvrir en analysant les textes, plus précisément, je me suis rendu compte que in fine, le professionnalisme, la rationalité, si j'ose dire, même s'il est pour le Moyen-Âge pas très pertinent de distinguer forcément rationalité et irrationalité et divination, mais c'était un instrument parmi d'autres, et sur le terrain, c'était avant tout l'expérience, la science de la guerre qui jouait le rôle fondamental. La donc volonté... nous sommes loin des présupposés idéologiques que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà. Effectivement. Abbès Zouache, justement, vous avez dirigé cet ouvrage sur la guerre dans le Proche-Orient médiéval. Quand on choisit un objet d'étude, ce n'est pas par hasard. Vous avez choisi la guerre et la paix. Hein, vous avez bien mis la paix dans le titre parce que c'est souvent ce qui revient aujourd'hui pour relier le passé du Moyen-Âge à un passé contemporain et de manière... à le décrier très facilement. C'est le jeu qui est fait et vous avez sans doute voulu démonter ça. Oui, nous souhaitions démonter cela parce que, à notre sens, et c'est la façon dont nous avons appréhendé finalement tous ces travaux, la guerre et la paix forment un couple indissociable. C'est le sens un petit peu de tous les travaux que je mène depuis plusieurs années sur ces questions-là. Un couple indissociable qui sont vécus comme et comme des instruments au service des hommes qui ont le pouvoir et qui sont mise en avant, utilisée alternativement en fonction, si vous voulez, des intérêts du moment, en fonction des objectifs que s'assignent les détenteurs du pouvoir. Donc ils peuvent faire appel à la paix, à la négociation qui est très importante. Vous évoquiez Saladin, mais Saladin était un homme de guerre, mais c'était aussi un négociateur qui n'hésitait pas à négocier avec ses pires ennemis, comme tout homme de guerre et de pouvoir, si j'ose dire, à travers les siècles. Vous avez tout à fait raison, Abbès Zouache. Que ce soit pour l'astrologie ou que ce soit pour toutes ces volontés guerrières, oui, il y a un vrai écho. Je vous remercie beaucoup, Abbès Zouache. Mais juste pour rebondir avec ce que vous dites, nous allons nous faire un petit tour à Constantinople. Vous allez voir, c'est à la fois ancien et contemporain. Votre sainteté, les Byzantins appellent à l'aide. Les Ottomans ont encerclé Constantinople. Miséricorde. Devons-nous abandonner le dernier bastion de la chrétienté en terre d'Orient ? Sire, Mehmed II est remonté sur le trône. Il rassemble ses armées autour d'Andrinople. Un sultan déchu ne peut rien face à la grandeur de notre cité. Les croisés ont commis de nombreux crimes, monseigneur. Les Ottomans sont portés par la vengeance. Peuple de Constantinople ! Embrassez vos femmes et vos enfants, car des heures sombres s'annoncent. Nous devons défendre la cité coûte que coûte. Rejoignez vos postes. Rejoignons nos postes. C'est un extrait du film Constantinople, un film de 2012 de Farouk Aksoy. Un film intéressant parce qu'il fait partie de l'historiographie. Non, c'est une réappropriation par le monde turco-arabe, par le monde de l'islam, disons-le, mais plutôt turc en l'occurrence, et vraiment turc de son passé. La question est de savoir si il y a une réutilisation aujourd'hui politique d'un Moyen-Âge de l'islam. Gabriel Martinez Gros. En Turquie, massivement, oui, ouais. Ça, c'est, d'une manière générale, d'ailleurs, en effet, hein, il y a chez les Arabes un penchant nostalgique, évidemment, pour ce qui fut ou ce qui est supposé avoir été la grande époque de ce monde musulman où on écrivait qu'en arabe, hein, comme l'a dit à propos des sources Eric tout à l'heure. Chez les Turcs, oui, alors chez dans le parti d'Erdogan en particulier, hein, bien sûr, il y a une exaltation de la conquête, hein, tout simplement, et en particulier de la conquête de Constantinople. Il y faut absolument une touche tiers-mondiste, c'est-à-dire les croisés ont commis beaucoup de crimes, ce qui est complètement stupide, ça n'est absolument pas dans la vision de Mehmed II, évidemment, hein. C'est une vision de fatah, c'est-à-dire de conquête, hein, purement et simplement. Alors, il y a un vrai problème de ce point de vue, hein, quoi que en dise Abbès et d'autres, hein, c'est que l'islam est la seule des grandes religions ou des grandes civilisations qui se souviennent de son passé violent, c'est-à-dire de son passé barbare. Toutes en ont un, mais le christianisme ou le bouddhisme ont largement effacé, hein, ce passé barbare dans l'histoire de la Chine ou dans l'histoire de l'Occident, hein, où se sont positionnés contre ce passé barbare, celui de la constitution de l'Empire romain pour le christianisme ou celui de la constitution de l'Empire chinois pour le bouddhisme. Mais l'islam, c'est pas le cas. Hein. Il a conservé, effectivement, pour des raisons que j'essaye d'expliquer dans mon livre, il a conservé la figure du prophète au centre. Et la figure du prophète, c'est la figure des guerres du prophète, c'est-à-dire c'est la figure des guerres de conquête, d'abord de la conquête de l'Arabie, hein, des païens de la Mecque, et puis ensuite, évidemment, des conquêtes de l'islam. Éric Vallet, sur cette mémoire de l'islam, elle est guerrière, cette mémoire, dans le Moyen-Âge qui est relu aujourd'hui ? Alors oui, c'est une des facettes de cette mémoire, c'est pas la seule, il y a aussi aujourd'hui l'admiration pour l'âge d'or des sciences par exemple, mais je voudrais insister vraiment sur un point pour terminer qui me paraît essentiel, c'est que il est d'autant plus facile aujourd'hui d'instrumentaliser le passé que ce passé est largement ignoré, non seulement en Europe, parce que on considère comme un passé qui n'est pas le nôtre, mais je dirais même dans les sociétés du monde arabe et musulman. Et à partir du moment où on considère que la modernité partout a créé une sorte de cassure qui rend incompréhensible pour 99% de la population ces périodes-là, à ce moment-là, je dirais que redécouvrir ce Moyen-Âge de l'islam devient un défi intellectuel. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Un défi intellectuel, merci beaucoup Éric Vallet. Effectivement, c'est ça qui nous intéresse si on fait de l'histoire et si on aime lire des livres et si on aime découvrir. Là, oui. C'est pour ça qu'on est là. Et ce défi intellectuel nous pousse au présent. Gabriel Martinez Gros, c'est vrai que votre Empire islamique, édition passé composé, fait un écho complet avec le présent. Ça explique aussi les images de l'islam qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux, mais il est 9h52 sur France Culture. L'heure d'accueillir Anaïs Kien avec sous le bras son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un procès pour l'histoire, c'est ça ? Demain s'ouvre un procès d'un soldat accusé d'avoir tué deux personnes. C'était dans une manifestation en 1972 à Derry. Donc un des plus fameux épisodes, enfin fameux, quel mot horrible. Un des plus violents surtout. Des plus violents épisodes de l'Irlande du Nord, hein, dans le conflit entre catholiques, républicains et protestants unionistes. Et vous, ça vous a intéressé ce procès pour l'histoire ? Oui, il s'agit du Bloody Sunday, rendu célèbre grâce à la fameuse chanson de U2 que tout le monde connaît, qui a fait le tour du monde et des feux de camp. Cette audience préliminaire du soldat F, qui a eu le droit de garder l'anonymat, est l'aboutissement d'une enquête qui a duré 12 ans pour faire la lumière sur la mort de 14 manifestants, l'un d'entre eux ayant succombé à ses blessures quelques semaines plus tard. Mesdames et messieurs, bonjour. Irlande du Nord, 13 morts par balle à Londonderry hier après-midi. Les parachutistes ont tiré sur deux jeunes manifestants catholiques. Nous allons avoir dans quelques minutes une liaison avec la BBC. On nous annonce de très dures images. Notons aussi que ce matin commencent à Belfast les représailles après ce dimanche sanglant. Représailles prévues par les républicains irlandais de l'IRA. 3 attentats à la bombe à Belfast et 10 blessés ce matin. Ce 30 janvier 1972, l'Association nord-irlandaise pour les droits civiques organise une manifestation pacifique contre les inégalités entre catholiques et protestants, et plus particulièrement contre les internements arbitraires et sans procès qui étaient devenus la règle. La violence est exacerbée depuis 3 ans du côté des forces de l'ordre, aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté protestant, et l'armée a été déployée pour assurer l'ordre public. Des violences de rue éclatent régulièrement entre les habitants et les forces de l'ordre et la tension est exacerbée depuis que l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, a exécuté 6 soldats à Derry même en décembre 1971, c'est-à-dire quelques semaines à peine avant le 30 janvier. Un bataillon de parachutistes est chargé d'arrêter les leaders du mouvement, mais la manifestation dégénère et les soldats tirent à balles réelles. Paul Greengrass, en 2002, s'est emparé de l'événement pour en faire un film, Bloody Sunday, afin de saisir les exaspérations et les dérapages qui avaient mené à cette tuerie. 27 personnes ont été touchées parmi les citoyens de cette ville. 13 sont mortes ce soir. Elles étaient innocentes. Mortes pour rien. Vous avez offert à l'IRA la plus grande victoire de toute son histoire. Dans toute la ville ce soir, des hommes jeunes, des enfants, s'apprêtent à rejoindre l'IRA. Vous subirez la tempête de leur colère. Et ce fut le cas puisque le Bloody Sunday ouvre une séquence de violence sans précédent. Sur 3500 victimes du conflit nord-irlandais entre 1969 et 2011, 500 perdent la vie dans l'année qui suit ce dimanche, selon l'historienne Barbara Loyer. Les familles des victimes, souvent très jeunes, demandent l'ouverture d'une nouvelle enquête depuis les années 80 et le processus de paix s'est accompagné d'enquêtes sur ces morts ordonnées par le Premier ministre Tony Blair, suivies d'excuses officielles de David Cameron qui lui succède quelques mandatures plus tard. Un seul dossier sur une vingtaine a été jugé recevable pour donner lieu à un procès, à la grande déception des parties civiles. Quel serait le sens donné à la condamnation d'un seul homme face à une tuerie collective suite à l'ordre de tirer à balles réelles sur une foule donnée par un état-major? Mais depuis les accords de paix du Vendredi Saint en 1998, une série d'amnisties a été prononcée qui concerne aussi bien l'IRA que l'armée britannique. Le climat de ce procès, qui serait le premier en son genre, remet en cause un statu quo fragile, déjà déstabilisé par la possibilité du rétablissement de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, par un Brexit en souffrance. Le Brexit en souffrance et cette question du rétablissement de la frontière dont on ne mesure pas la portée. Un procès pour l'histoire. Merci beaucoup Anaïs Kien. Un Brexit qui fait mal, hein, Anaïs, avec cette histoire de frontières. Ce Brexit dont nous parlons tant est un moment extrêmement contemporain. C'est le fait de tirer sans cesse des regards vers le passé. Le problème de l'Irlande remonte à loin et il faut tirer vers le passé. Vous avez fait, Gabriel Martinez-Gros, dans votre Empire islamique, 7e, 11e siècle, en fait, toute une introduction, une préface qui pourrait aller dans beaucoup de livres. Ça pourrait aller sur le Brexit, ça pourrait aller sur plein de choses. Vous avez une réflexion globale sur ce qu'est l'histoire et sur la nécessité toujours de regarder le passé. Pourquoi l'historien peut-il prétendre dire du neuf sur des périodes que tant d'autres spécialistes ont parcourues avant lui? Pourquoi dire du neuf? Pourquoi faire toujours de l'histoire? Vous avez la réponse, c'est que le regard est toujours différent. Oui, c'est nous qui changeons. Bien sûr, c'est tout simple. Hein. L'histoire est un dialogue entre le temps présent et celui que l'historien prétend analyser. Et en fait, ce n'est pas le temps que l'historien prétend analyser qui change, c'est l'historien. C'est le mouvement de l'historien qui crée le mouvement de l'histoire. C'est pour cela qu'il cherche dans l'époque qu'il veut analyser autre chose que ses prédécesseurs. Voilà, donc c'est pour ça, je vous disais, le Brexit, ça marche aussi, vous avez absolument, l'intro absolument. Qui est très général. Merci à vous. Voilà, c'était le cours de l'histoire aujourd'hui sur un Moyen-Âge de l'islam. Mais tous les autres épisodes de cette semaine consacrée au Moyen-Âge superstar, peuvent être écoutés en ligne sur le site internet franceculture.fr ou podcastés, bien sûr. Alors, nous avions vu comment il est possible de réécrire un récit médiéval. Aujourd'hui, nous voyons ces oubliés du Moyen-Âge qui sortent du bois quand même, ceux de l'islam. Et demain, nous allons retrouver le Moyen-Âge par la légende, le Moyen-Âge par la légende, avec évidemment sans doute des dragons, des chevaliers, des druides aussi, et évidemment le roi Arthur.